Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radio Guimauzo 107FM. Nous sommes le mercredi 14 avril 2021, il est un petit peu plus de 14h, il est 14h01. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h, nous sommes en direct, c'est Chris et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle édition de votre émission quotidienne proposée par Radio Guimauzo intitulée Fréquence Libre. Je rappelle le principe, il est très simple, comme chaque lundi, chaque mardi et chaque mercredi où je reçois une ou un invité, je reçois aujourd'hui dans nos locaux à Saint-Étienne-lès-Remiremont un invité pour qu'il puisse nous parler de ce qu'il fait, que ce soit au niveau du métier, des passions ou autre. Et aujourd'hui, c'est Olivier Géin de Le Siestar qui est avec nous et qui est là pour nous parler justement de ce qu'est Le Siestar, mais aussi et surtout de la première application mobile dédiée au bien-être nomade, consistant en une intuitivité et en un gain de temps pour toutes et tous, et pour nous parler également de tout ça. Donc bonjour Olivier. Invitation, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Comment ça va? Super, merci. Super bien. Parfait. Donc tout d'abord, nos auditrices et nos auditeurs sont habitués désormais. Je pose toujours cette même question à mes invités, ouais, afin qu'ils et elles puissent les connaître davantage. Pouvez-vous vous présenter en quelques mots? Alors, quelques mots. Alors, je suis Olivier Géin, je suis originaire des Hauts-de-Vosges. Je suis basé actuellement sur Saint-Nabor. J'ai travaillé 10 ans dans la communication et le marketing dans une grande entreprise vosgienne. Et il y a à peu près un an, j'ai eu l'opportunité de lancer mon entreprise, donc en tant que chef d'entreprise, entrepreneur. Donc, j'ai lancé donc la solution Le Siestar, il y a à peu près un an. Voilà. D'accord. Donc, avant d'entrer dans le vif du sujet, vous en avez un petit peu parlé, mais quel a été votre parcours scolaire et professionnel pour en être là où vous en êtes aujourd'hui? Alors, mon parcours scolaire, j'ai débuté au collège à Coronimont, collège Charlemagne. Ensuite, j'ai migré directement sur Nancy, au lycée Sifflet, où j'ai obtenu en fait un BEP Bac Pro Industrie Graphique. Donc, c'est là aussi où j'ai commencé à développer mon sens créatif. Et c'est grâce à ça que j'ai réussi à devenir graphiste par la suite. D'accord. Et vous étiez graphiste pour différentes entreprises? Alors, j'ai commencé en fait au début de ma carrière dans une imprimerie. Donc, j'ai travaillé 8 ans en imprimerie sur Coronimont. Je me suis vraiment formé à tous les logiciels en fait de PAO, tous les process d'imprimerie, et les retouches colorimétriques. Ensuite, j'ai donc été embauché par l'entreprise Braga. L'entreprise assez reconnue mondialement dans le vêtement professionnel. Donc j'étais en charge des maquettes et tous les imprimés au niveau du graphisme de la marque pendant 10 ans. D'accord. Donc je pense qu'on peut dire que la création, la construction et le développement de concepts ont toujours fait partie de votre vie. Oui, en fait, j'ai toujours été créatif depuis ma tendre enfance. J'ai toujours en fait aimé créer, développer des concepts, etc. Donc j'ai même développé mon sens créatif pendant mes 18 années dans l'imprimerie et au sein de l'entreprise Braga. Ouais. D'accord. Donc comme en annoncé l'introduction, vous êtes ici aujourd'hui pour nous parler de l'application Le Siestar. Oui. Donc, qu'est-ce que Le Siestar? Alors, qu'est-ce que Le Siestar? En quelques mots, c'est une solution dédiée au bien-être, au confort nomade. Donc, d'accord. C'est-à-dire que c'est une application de géolocalisation de lieux de repos, on va dire, ce qu'on appelle des spots et des commerces de proximité. Donc avec trois grands points, donc intuitivité, gain de temps, bien-être et ça mêlera également le bien-manger, ils sont au cœur du projet. D'accord. Et donc Le Siestar, ça existe depuis, vous l'avez dit tout à l'heure? Alors on a créé l'entreprise, enfin, j'ai créé l'entreprise en novembre 2019. J'ai eu l'opportunité de me lancer en novembre 2019. La solution est vraiment dédiée, on va dire, aux actifs itinérants. C'est vraiment toutes les personnes qui se déplacent dans le cadre de leur fonction. D'accord. Donc, créer une atmosphère unique pour ces gens-là. Donc, on s'est aperçu qu'il n'y avait pas vraiment de solution dédiée à ces personnes. À part Google. Donc, c'est un peu le fourre-tout, on va dire. Oui, c'est vrai. sans porter préjudice à cette entreprise. Mais Le Siestar est vraiment dédié à ces personnes. Toutes les personnes qui se déplacent dans le cadre de leur fonction, trouver un petit spot dans les villes, en fait, qu'ils ne connaissent pas. Car un commercial est amené à faire à peu près 1000 1000 km minimum par semaine. Donc quand il se rend dans une ville qu'il ne connaît pas, forcément, entre deux rendez-vous, quand il veut déjeuner et se poser tranquillement, il aura donc accès à notre solution et trouver un petit spot tranquillement. Il pourra également commander via notre solution Click and Collect. Il pourra commander sa petite formule du jour chez les commerçants partenaires. D'accord. Mmh. Ok. D'ailleurs, pour créer le Siesta, vous avez tout fait tout seul ou vous avez une petite équipe avec vous ? Alors, au tout début, j'étais accompagné par le Quai Alpha. Ils me suivent encore, le Quai Alpha Épinal. Mmh. Ils m'ont accompagné au niveau pour réaliser les business plans, business model, tout ça, stratégie, communication et sur le juridique également. Et aujourd'hui, je suis suivi par une société byzantine qui s'appelle Lamster. Ils ont développé un logiciel RH pour gérer en fait tout le personnel de tout ce qui est hôtellerie et restauration. D'accord. Et donc j'ai rencontré leur président Valentin Lamiel il y a à peu près un an. Et on s'est vraiment bien entendu. Donc il m'accompagne actuellement sur l'aspect juridique, le développement communication et surtout leur réseau sur Besançon. D'accord, ok. Donc il est 14h07. Avant de poursuivre, je vous propose que nous nous lancions tout de suite dans une toute première fréquence, comme j'aime à l'appeler, dans une première pause musicale que vous avez choisie, et que nous écoutions une chanson quand même plutôt douce, plutôt reposante. Ça tombe bien, c'est dans le thème de l'émission justement. La chanson The Back of Your Hands de Nimino en collaboration avec la chanteuse H. Donc du coup, on écoute ça et on se retrouve juste après, d'ici un peu moins de 6 minutes. Donc à tout de suite sur Radio Guimauzo. Vous êtes de retour sur Radio Guémozo, vous êtes toujours en direct, il est 14h13, vous nous écoutez sur le 107FM, ou, enfin localement, ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio, partout en France. Vous venez d'écouter Nimino en collaboration, avec la chanteuse H et leur morceau The Back of Your Hands. Vous nous écoutez peut-être chez vous, au travail ou encore sur la route, si c'est le cas, évidemment, soyez prudents. Nous sommes toujours en compagnie, dans nos locaux, de Olivier Géin, qui est là pour nous parler de son entreprise et son application innovante appelée le C-Star. Ça va toujours ? Super, merci Chris, oui. Parfait. Parfait. Alors nos auditrices et nos auditeurs sont habitués, j'aime beaucoup poser cette question après les pauses musicales. Pourquoi avoir choisi cette musique en particulier ? Alors cette musique en fait elle m'apporte vraiment beaucoup de zénitude et il m'arrive souvent de l'écouter lors de mes siestes quotidiennes, pendant mes 10-15 minutes de siestes quotidiennes, oui, j'adore. D'accord, ok. Donc on va donc reprendre le cours de cette émission tout doucement. Où a commencé, on va dire, l'histoire du C-Star ? Où est née l'idée du C-Star ? Alors oui, Chris, cette idée un peu folle m'est venue en fait de mon expérience personnelle et professionnelle. Elle a migré dans ma tête, on va dire, il y a à peu près 2 ans et demi, quand j'étais justement en poste en tant que graphiste chez Bragard. Je m'accordais quasiment tous les jours 10 à 15 minutes de sieste. C'est-à-dire que j'allais déjeuner en fait en dehors de l'entreprise, même si j'adorais mes collègues, je préférais couper l'atmosphère travail et me recentrer sur moi-même et vraiment me prendre une pause à moi. Donc j'allais acheter ma petite formule du jour dans la boulangerie du coin ensuite j'allais me poser souvent au parc du Cours ou au port ou au parc du Château. C'est vraiment des endroits idylliques pour se reposer. Donc j'en prenais vraiment plein les yeux et vraiment un moment de détente pour moi juste avant de reprendre le travail. Donc en rentrant du travail, mes collègues me posaient souvent la question où est-ce que j'avais siesté ce midi. Donc je leur répondais voilà sur les spots idylliques que je connaissais et en parlant et en rigolant avec les collègues, un jour l'idée est née. Pourquoi ne pas développer une application spécifiquement dédiée au bien-être ou au confort des nomades pour qu'ils puissent prendre un moment à eux lors de leur journée de travail. D'accord. Donc c'était là vraiment votre objectif de créer cette application, le CSTAR, pour que les nomades puissent prendre un temps pour eux. Oui, c'est ça. Oui, on s'est aperçu que il n'y avait pas vraiment de solution dédiée à eux et il y avait un besoin. Donc je m'entretenais quotidiennement avec la flotte de commerciaux qu'il y avait chez Bragard. Ils étaient au nombre de à peu près 70 et à force de m'entretenir avec eux sur leur quotidien et sur leurs problématiques de la journée. On a fait le lien et la solution est née. Voilà. D'accord. Donc, il y a peut-être des auditrices, auditeurs qui nous écoutent et qui se disent « Mais 10-15 minutes, c'est pas assez pour faire une sieste ?» Alors oui, sur la sieste, il y a plusieurs formules de sieste, ce qu'on appelle la sieste quotidienne. Vraiment, 10-15 minutes, c'est parfait. En fait, la sieste apporte beaucoup de bienfaits sur votre organisme, sur votre psychisme, sur votre mental, sur votre physique. D'accord. Il faut savoir que la sieste peut augmenter de 34% votre productivité après un quart d'heure de sieste. Ah oui, d'accord. Ah oui, carrément. Oui, il y a des études très poussées par la NASA qui ont été développées, et même par des chercheurs suisses. Donc actuellement, je suis en train de lire pas mal de bouquins là-dessus et c'est extraordinaire comme quoi la sieste est vraiment un bien-être pour soi et vraiment les bienfaits sont prouvés actuellement. D'accord. Mais en 10-15 minutes, est-ce qu'on a le temps de s'endormir justement ou pas ? Alors, il y a quelques techniques aussi pour s'endormir. Enfin, on peut somnoler, même somnoler et se ressourcer. Et c'est comme une forme de méditation. C'est vraiment excellent pour la santé. Il y en a qui arrivent à s'endormir à partir de 2-3 minutes. Je peux même vous conseiller une petite astuce. C'est de vous allonger, généralement en position allongée, avec les paumes de la main levées vers le ciel, et vraiment ne pensez plus à rien, déconnectez votre cerveau, et là normalement au bout de 5-6 minutes vous devez pouvoir commencer à vous endormir. Mais 10-15 minutes par jour, c'est vraiment le plus recommandé. Il y a plusieurs siestes, donc la sieste également, on va dire, pour récupérer du sommeil en retard, vous pouvez aussi la pratiquer le week-end. Donc là, c'est une sieste qui pourra être régénératrice entre 30 et 1 heure. D'accord. Par contre, conseiller le week-end. Oui, c'est sûr, parce que la semaine, c'est un peu... C'est un peu compliqué. Voilà. Donc justement, vous dites que cette application, le Siestar, pardon, est une application dédiée au bien-être nomade et consistant en une intuitivité et un gain de temps pour toutes et tous. Donc quand vous dites intuitivité et gain de temps, qu'est-ce que vous entendez par là ? Alors en fait, il faut savoir que la journée d'un commercial est vraiment rythmée par ses rendez-vous. Et donc, quand il arrive dans une ville, on va dire, méconnue, il a forcément ses rendez-vous en tête. Il a son chiffre d'affaires à réaliser par jour. Il y a quand même des contraintes et des objectifs à obtenir avec sa société. Donc, pour leur éviter en fait de réfléchir où ils vont pouvoir se restaurer et trouver un petit coin sympa, la solution de Siestar sera là pour vraiment les épauler et les guider vers leur lieu de restauration ou leur spot pour se ressourcer. C'est vraiment un gain de temps et intuitivité, voilà, sans se prendre la tête. Personne, voilà, le commercial ou la personne qui travaille dans une ville qu'il ne connaît pas, il aura simplement à se connecter, rechercher son spot, son commerce, et voilà, il sera guidé intégralement via la solution. D'accord, ok. Donc justement, cette application, elle a été créée donc dans les Vosges. C'est ça. Mais justement, si un habitant ou une habitante habite justement dans le sud ou du côté de la Bretagne, par exemple, si il ou elle souhaite obtenir cette application, est-ce que c'est possible de l'obtenir ou en d'autres termes, est-ce que cette application est disponible partout en France, sur tout le territoire national ? Alors Chris, oui, bien sûr, l'application et la solution a pour vocation à être nationale. Donc chaque personne désirant la télécharger pourra l'utiliser librement. Donc la version bêta normalement sortira d'ici, on va dire, 2 mois. Mais la version native, donc la version bêta sera disponible, on va dire, sur les villes, les 3 villes pilotes, Besançon, Remiremont et Épinal. D'accord. téléchargeable sur nos sites web. Et d'ici, on va dire, fin de l'année, début d'année prochaine, ça sera une solution native. Donc, c'est-à-dire qu'elle sera téléchargeable sur Apple Store et Google Play. C'est-à-dire, voilà, donc elle sera disponible pour tout le monde. Le temps qu'on référence toute la base de données de Spot et de commerce de proximité. D'accord. Donc justement, cette application est donc là pour que chacune et chacun puisse prendre du temps pour elle ou pour lui, donc dans une journée de travail. Mmh. Donc je suppose qu'en créant cette application, vous aviez la volonté de couper les citoyennes et les citoyens de la sphère travail, histoire de pour être encore plus productif. Mmh. Au retour. Exactement, on s'est aperçu également via des recherches sur notre étude de marché. Actuellement, la tranche des 24-35 ans, le premier objectif, on va dire, le premier point principal pour un emploi, c'est le bien-être dans une entreprise. Mm-hmm. Donc, juste après le salaire, donc c'est quand même super important. Donc, si on arrive à trouver, voilà, à faciliter le quotidien de ces personnes qui se déplacent, on en serait vraiment ravis. D'accord. D'ailleurs, dans cette application, le CSTAR, est-ce que les utilisatrices et les utilisateurs ne trouveront-ils que les lieux pour se reposer et se restaurer, ou est-ce qu'ils trouveront d'autres choses à l'intérieur de l'application? Alors, pour la version bêta, on va se concentrer essentiellement sur les spots et les commerces de proximité, surtout des boulangeries, pâtisseries. Mmh. Mais par la suite, actuellement, je suis en contact avec les offices de tourisme des régions, et donc Épinal, Remiremont et Besançon, pour les trois villes pilotes. Et on s'est aperçu que notre solution pouvait également être ouverte aux grand public, on va dire, aux touristes également. Donc on va coupler donc leur base de données XML via notre solution. Mm-hmm. Donc les utilisateurs pourront retrouver des activités proposées par les villes, les bons plans, un hôtel également, un restaurant, et vous pouvez également retrouver les siestars. D'accord. Oui. Donc la solution sera ouverte, on va dire, aux personnes lambda, touristes, à tout le monde. Oui. D'accord. Est-ce qu'il y aura également des endroits, donc des bornes pour, par exemple, les voitures électriques, pour recharger la voiture? Est-ce qu'il y en aura dans le CSTAR ou pas du tout? Ça, c'est très intéressant. On m'a déjà posé la question, justement. C'est une option, ouais. Et en fait, on va également référencer les endroits avec des bornes pour pouvoir recharger sa voiture électrique. Et également, on va référencer des bornes Wi-Fi. Car les siestars, si les personnes n'apprécient pas la sieste ou veulent simplement s'arrêter sur le spot, prendre un moment à eux, regarder une vidéo, etc. Donc on va être amené à référencer des spots avec des bandes Wi-Fi. Il s'est avéré, là actuellement, je suis en relation avec l'office de tourisme de Besançon, sur une centaine de spots qu'on va référencer, il y a à peu près 35 bandes Wi-Fi. Donc c'est quand même intéressant, la personne qui veut préparer ce rendez-vous, qui ne veut pas siester, entre guillemets, ou qui continue à préparer ses rendez-vous, il pourra travailler avec son ordinateur à côté ou son mobile, il aura de la connexion. D'accord, ok. Donc dans cette application, et comme vous l'avez dit, il y aura le click and collect, donc pour par exemple pour aller chercher sa formule du midi dans les boulangeries. Mais si nous souhaitons commander une formule du midi dans une boulangerie qui n'est pas partenaire avec l'application, est-ce que c'est possible que l'application la recense ou pas du tout? Alors oui, en fait, on a pensé aussi à cette problématique. J'ai oublié de vous parler aussi la petite cerise sur le gâteau. C'est vrai que la solution, le CSTAR, elle a quatre grandes fonctions. Donc de la géolocalisation, de lieu de repos et de commerce de proximité. Elle a de l'assistance à la navigation, forcément, pour se rendre sur les spots. La solution de click and collect. Et en quatrièmement, on aura aussi également un gestionnaire de frais professionnels, c'est-à-dire que les utilisateurs pourront récupérer leurs factures via notre solution. D'accord. Okay. Ils pourront carrément éditer leur fiche de frais et l'envoyer directement en un clic à leur service comptabilité. Donc on va toucher un très grand nombre de personnes et on va également donc proposer la solution en marque blanche à peu près dans 6 mois pour les grands groupes équipés de grandes flottes de commerciaux. D'accord. Oui, donc ça sera une application très polyvalente. Bien sûr, oui. C'est vraiment une atmosphère dédiée à l'itinérance et où, voilà, tous ceux qui se déplacent dans le cadre de leur fonction. Donc trouver un spot, un commerce, acheter sa petite formule du jour, et ensuite récupérer sa note de frais et l'éditer directement sur notre compte et l'envoyer à son service comptable. C'est vraiment une solution pensée et dédiée à eux. Ok. D'ailleurs, vu qu'on parle justement des partenaires, qui sont ou que sont les partenaires de l'ECSTAR ? Est-ce que vous avez déjà des noms d'entreprises, de boulangeries, etc. ou c'est encore un peu tôt ? Alors actuellement, j'ai déjà visité quelques partenaires, on va dire. Oui, j'ai rencontré monsieur, je sais pas si on peut le citer. Oui, monsieur Pinault en fait, monsieur Pinault, la boulangerie Pinault qui a à peu près une 5 boulangeries dans les Vosges. Il était enchanté par la solution et il va même je pense équiper d'ici peu de temps ses boulangeries avec nos solutions. Donc essentiellement des commerces de proximité. La solution, l'ADN de la solution, c'est aussi le bien manger. Donc on ne va pas référencer des McDo ou des grandes franchises dans ce style-là. On préfère proposer un petit jambon beurre très très local et français à nos siestars. Pour l'instant, oui, on visite actuellement donc essentiellement des boulangeries pâtisseries. On va également agrandir notre cercle de partenariat avec des confiseurs, des épiceries bio également. Donc c'est vraiment voilà dans l'ADN du Cestar. D'accord. Donc justement, on n'en a pas encore parlé, mais du coup, enfin, l'application c'est le Cestar, mais comment avez-vous trouvé ce nom de le Cestar? Ça, c'est venu dans mon cerveau, je pense, en relation avec la sieste. J'ai fait pas mal de recherches pour savoir si ce nom existait. Comment on appelle une personne qui fait la sieste, un siesteur, siestar, ça n'existe pas. D'accord. Donc, je me suis renseigné auprès de l'INPI, la marque a déposé depuis un an et demi. Et voilà, j'ai fait un petit tour aussi au niveau de mon cercle amical et cercle professionnel, si le nom sonnait bien. Mm-hmm. Apparemment, le nom reste en tête. Donc, à chaque fois que je croise du monde, ah voilà le siestar, ben écoutez, voilà. D'accord. D'ailleurs, vu qu'on parlait justement des partenaires juste avant, pour devenir partenaire de votre application, est-ce qu'il y a des abonnements ? Exactement, Chris. Il y aura 3 abonnements disponibles. Donc, un boulanger, par exemple, il aura accès à 3 propositions d'abonnement. Donc, le Cestar First. Le Cestar First, en fait, c'est tout simplement une fiche entité sur notre application avec des photos de leur établissement, ce qu'ils proposent, leur centre d'intérêt, s'il y a aussi du Wi-Fi, s'il y a un petit endroit pour se poser le midi. Ça, c'est vraiment le... Et également, dans ce type d'abonnement, le premier, il y a également 15 push publicitaires par D'accord. semaine. Donc car le modèle économique de le Cestar, c'est voilà des abonnements et aussi forcément de la publicité quand les utilisateurs approchent du commerçant, il y aura un petit push qui s'affichera, voilà, il y a la boulangerie telle qui est disponible. Donc le deuxième abonnement, ça sera le Cestar Medium. Donc là, vous aurez donc tout ce qu'il y a dans le Cestar First, mais en plus, vous aurez accès à la solution Click and Collect avec une seule formule. Et le Cestar Premium. Donc là, c'est donc tout ce que vous avez avant plus donc la solution Click and Collect. Et donc en illimité, les commerçants pourront ajouter autant de formules qu'ils le souhaitent. D'accord. Et donc du coup, vu que dans chaque formule il y a plus de choses, du coup qui dit plus de choses dit prix plus élevé. C'est ça exactement, oui. Alors en termes de tarifs, pour le moment c'est basé le Cestar First, dont le premier sera à 9,90€ hors taxe par mois, le Cestar Medium à 19,90€ et la troisième le troisième abonnement, le Cestar Premium, on prévoit de prendre une commission sur les ventes emportées. D'accord. Ok, très bien. Donc il va être 14h30. Avant de poursuivre, je vous propose de nous lancer dans une nouvelle fréquence que vous avez choisie une nouvelle fois et que nous écoutions le duo Edgar avec leur titre pop qui fait bien bouger et que personnellement j'apprécie beaucoup. La chanson intitulée Nuit, tout simplement. Donc on écoute Edgar et on se retrouve juste après d'ici, on va dire, 3 minutes. Donc à tout de suite. Seul dans la nuit, je m'oblige à veiller. Vous êtes de retour sur Radio Gameozo. Vous êtes toujours en direct. Vous nous écoutez sur le 107 FM localement ou sur nos applications Radio Line ou Orange Radio partout en France. Vous venez d'écouter le duo Edgar avec leur morceau Nuit. Nous sommes toujours en compagnie dans nos locaux de Olivier Géin qui est là pour nous parler d'une application qu'il a développée. Application appelée le C-Star. Est-ce que vous passez un bon moment en notre compagnie, Olivier ? Très bien, Chris. Merci beaucoup. C'est génial. Parfait. Donc, pour dire quelques mots sur cette pause musicale, comme pour la précédente, je ne sais pas si vous allez être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression de reconnaître dans cette chanson une grosse influence du célèbre groupe Indochine. Exactement, ouais. C'est vrai. Moi, j'aime bien aussi Indochine, enfin, les années un peu 80. C'est vrai que quand je sors de ma sieste quotidienne, j'aime bien avoir un petit moment, on va dire, indie rock pour me remettre dedans après. Et oui, puis cette chanson, elle réveille bien, je trouve. Exactement. Ça fait bouger, c'est. C'est ça. C'est une bonne chose. D'ailleurs, donc c'est une des raisons pour laquelle vous avez choisi cette pause musicale. Oui. En fait, j'avais choisi, on va dire, trois morceaux différents. Donc le premier, vraiment relaxant, le côté zen, vraiment s'endormir pendant la sieste. Et là, celui-ci était vraiment pour repartir de plus belle. Voilà, pour un petit coup de boost. En effet, et on verra la troisième pause musicale un petit peu plus tard. On en dira quelques mots aussi, du coup, également. Super. Donc, nous allons reprendre le cours de cette émission, ma foi, très intéressante, je trouve. Merci. Il est déjà 14h35, je n'ai pas vu passer les 35 premières minutes, donc c'est... voilà. Donc, nous l'avons dit tout au long de cette émission, le Siestar, c'est la première application dédiée au bien-être nomade sur laquelle nous pouvons trouver différents endroits, différents spots où faire la sieste. Donc, quels sont les critères, selon vous, d'un bon endroit où faire une sieste de quelques minutes? Ah, ça, Chris, c'est une très bonne question, en fait. On m'a déjà posé une paire de fois cette question, mais pour moi, un bon spot, il est proche d'un centre-ville, proche d'une zone d'activité. Il a beaucoup de verdure, hein, comme un parc, on va dire, public, avec un point d'eau, un point de vue, des toilettes publiques pas loin et une boulangerie proche. C'est vraiment les points importants pour un très très bon spot. Donc oui, verdure, un point d'eau, un point de vue, également s'il y a des, on va dire, des points sur le patrimoine locaux, ça c'est super important aussi, ils seront également disponibles sur l'application. Si, par exemple, au Parc du Cours, il y a un petit kiosque avec une belle histoire, je ne la connais plus, je ne l'ai plus en tête, mais apparemment, il y a une très belle histoire là-dessus. Donc l'application est vraiment aussi dédiée à la découverte des villes et sur le patrimoine local. D'accord. Et est-ce que l'ombrage, genre des arbres et tout, c'est un des critères? Oui, j'avais oublié le point principal aussi de l'application. C'est vrai que quand on a déployé au tout début, quand on a créé l'entreprise, on a déployé un questionnaire via les réseaux sociaux. Et le point principal sur un spot, c'était trouver des places ombragées. Et ça, forcément, Google ne les référence pas. Bien sûr. Donc, on va essayer de faire notre maximum pour définir ces spots et donner un maximum d'informations et les points d'intérêt sur ces spots. Mais c'est vrai que la place ombragée en été, c'est le top. Ah oui. Il est très très recherché. D'ailleurs, vu qu'on parle des différents spots, est-ce que les utilisatrices et les utilisateurs pourront proposer des endroits, des spots de sieste? Par exemple, s'il y a un utilisateur ou une utilisatrice qui fait une sieste quotidienne à un bon endroit en tête, est-ce qu'il ou elle pourra dire cet endroit est vraiment top pour faire la sieste, j'y vais tous les jours? Oui, Chris, tout à fait. On aura une petite fonction partage de spots, bien sûr. L'application est également faite pour partager entre ses stars, partager nos vécus, partager nos expériences sous les spots. Donc oui, il y a une fonction super importante également. Donc fonction partage de spots, les stars pourront envoyer donc 2-3 photos et nous envoyer un petit message en répondant. Il y a quelques boutons sur lesquels il faudra cliquer, s'il y a des places ombragées, s'il y a combien de places de parking, si elles sont payantes, etc. C'est vraiment tous les points d'intérêt sur le spot. Ouais. Donc partage, bien sûr. D'accord. C'est le mot d'ordre aussi. J'imagine, oui. Donc je suppose que pour créer une application d'une telle ampleur, il faut des moyens financiers assez conséquents. C'est pour ça que vous avez mis en place une campagne Ulule. Et oui, Chris, c'est très important sur le côté financier, développer une application avec un tel, on va dire, spectre, ça coûte beaucoup, beaucoup d'argent. Pour vous donner une petite fourchette, les premiers devis que l'on a réalisés, on en avait pour entre 80 et 120 000 euros. Donc la version finale, oui, la version native, donc Android et iOS, c'est énorme. Ouais. C'est quasiment le prix d'une maison. Donc actuellement, la version bêta nous coûte, on va dire, 20 000 euros. Donc elle sortira normalement dans 2 mois. Et justement, pour financer, pour boucler notre budget sur la version bêta, nous avons lancé une campagne Ulule de participation sur le réseau. Ouais. D'accord. Donc justement, est-ce que les différents abonnements dont on parlait tout à l'heure, pris par les partenaires de l'ECSTR, est-ce que ces différents abonnements contribuent à cette somme pour développer cette application, pour qu'elle soit fonctionnelle partout en France? Alors oui, bien sûr, oui, c'est les abonnements des partenaires commerciaux serviront principalement à la maintenance de l'application et sur l'évolution future. On a quand même pas mal de projets sur l'application, donc elle est vraiment vouée à être aussi nationale. Donc si on veut la proposer sur le territoire français, va falloir mettre des moyens de communication pour la faire connaître et acheter donc forcément des serveurs pour l'héberger. Ce qui coûte énormément d'argent, ouais. Comme vous vous imaginez. La version bêta sera une application, une web progressive application. C'est que ça, on va dire que ça marche comme un site web, mais elle sera en fait utilisable sur un mobile. D'accord, ok. D'ailleurs, justement, vous en parlez, il y a même pour le CSTR un site web et un e-shop qui existent. Pour celles et ceux d'ailleurs qui ne parlent pas forcément anglais, un e-shop, c'est tout simplement une boutique sur Internet. Donc il me semble qu'il y a ça également de proposer. Exactement, Chris. On a lancé donc le site web le CSTR début janvier. Et on a lancé également donc mi-janvier. Mmh. Une collection le CSTR, donc vraiment en relation avec l'application, avec tout ce qui est le bien-être, le confort. Moi j'ai toujours voulu en fait développer une petite collection de textiles, j'ai toujours aimé ça, donc on a collaboré essentiellement avec des entreprises locales, comme vous pourrez le voir sur notre e-shop. On a donc un superbe plaid qu'on a développé intégralement dans les Vosges, qui est vraiment super super top. Il a en fait deux faces, une face avec une membrane déperlante et l'autre face c'est une face molleton, donc vraiment une côté douceur pour se reposer, ça c'est vraiment top. On a sourcé ce tissu chez Maillevert des Vosges qui se trouve à Saint-Labor et il était confectionné chez Atelier Malin par Karine, donc à Mirmont. D'accord. Et donc pour le reste, on a des t-shirts qui sont fabriqués également à Épinal, donc très local chez ATF. On a des suites qui sont bio, on a des tote bags, ce qu'on appelle, on les a nommés les sieste bags, en relation forcément avec notre application et notre solution. Bien sûr. Et ils proviennent de chez Tantoret à Éloie. On a référencé également des chaussettes de chez Bleu Forêt. Et bientôt nous allons monter aussi une collaboration avec eux pour sortir une collection spéciale de siesta, normalement bientôt, on croise les doigts. Et on a également des supports de smartphones qui sont bien utiles. Moi, j'utilise tous les jours, en fait, c'est pour poser son smartphone qui ont été fabriqués chez Xylolab à Épinal. Donc, avec des chutes de bois locaux et dans un atelier collaboratif local. Donc, c'est, on va dire, on a travaillé avec quasiment uniquement des entreprises locales pour développer notre collection. D'accord. Bah, nous mettrons tous les liens en podcast de cette émission afin de retrouver facilement le site ainsi que le e-shop. Et pour comme ça, pas besoin de chercher. Vous allez sur vous irez sur la page Facebook, vous cliquez sur le lien, vous tomberez directement dessus. D'ailleurs, j'imagine que c'est important. Enfin, que c'est important pour vous, car comme vous l'avez dit, c'est de la fabrication locale, donc dans les Vosges ou alors au pire des cas dans toute la France. Donc, j'imagine que c'est important pour vous de faire 100% français. Vous parlez de, là, de l'e-shop, des produits locaux? Oui. Oui, bien sûr, tout à fait. Moi, j'ai toujours, dans ma vie quotidienne, j'essaie de consommer un maximum local et faire travailler des entreprises qui sont proches de chez moi. Ça coulait d'eau de source, honnêtement. C'était impossible. Enfin, ça me paraissait aberrant d'acheter un t-shirt à 15 centimes en Inde et le refaire floquer ici. Ça n'a aucun intérêt pour moi. Je veux dire, voilà, moi, je préfère donner pas la parole, mais voilà, faire connaître les entreprises locales. Et je me suis aperçu, justement, en montant ce projet à mi-janvier, je me suis aperçu qu'il y avait énormément d'entreprises proches de nous, avec des savoir-faire exceptionnels, mais il y en a tout sur place. On a vraiment beaucoup de chance d'habiter dans une très belle région comme les Vosges. C'est extraordinaire. J'ai redécouvert les Vosges par le tissu local. Et ça permet justement de faire vivre justement les artisans locaux, les commerces locaux, tout ça? Bien sûr. Et le but, oui, de l'application, si on revient sur l'application, c'est également de refaire revivre les centres-bourgs et les bourgs, ramener du monde chez les commerçants locaux. Actuellement, c'est un peu compliqué forcément avec la Covid. Donc, si avec notre solution, on peut par la suite donner une belle vitrine à ces artisans et commerçants locaux, on en serait vraiment ravis. J'imagine, oui. Donc il est bientôt 14h45, donc avant de poursuivre à nouveau, je vous propose que nous nous lancions dans une troisième fréquence que vous avez choisie toujours, et que nous écoutions une chanson cette fois plutôt typée rock, Because of the Night, de Patti Smith. Pour donner un petit peu les références comme j'aime bien faire, c'est une chanson sortie en 1978 et tirée du troisième album studio de Patti Smith, ou Patti Smith Group, il me semble. Album intitulé Easter, et cet album est sorti du 3 mars 1978. Donc on écoute Patti Smith et le titre Because of the Night, et on se retrouve juste après cette chanson. Patti Smith et son morceau Because of the Night sur Radio Gemozo. Vous êtes de retour, il est 14h presque 49 et vous nous écoutez toujours sur le 107FM localement ou sur nos applications Radio Line et Orange Radio partout en France. Nous sommes toujours en compagnie de Olivier Géin dans nos locaux qui est venu nous parler de son application dédiée au bien-être nomade, le Siestar. Tout est toujours bon pour vous ? Super, merci Chris. Nickel. Je passe un très bon moment. Pareillement. Donc ça fait du bien un petit son comme ça. Ah oui, ça me donne la pêche. Moi je travaille souvent avec ce son, donc je travaille en musique et il est dans ma playlist favorite. Donc voilà. Ah bah voilà. Le pourquoi du comment. Ah bah du coup j'allais vous poser la question, mais bon, moi je vais quand même faire un petit rappel. Vous venez d'y répondre, mais moi personnellement dans mes émissions fréquences libres, je laisse toujours si jamais il y a des nouvelles personnes qui nous rejoignent, je laisse toujours mes invités choisir les pauses musicales à passer pendant l'émission afin que ladite émission leur corresponde le plus possible. Donc je vais pas vous poser la question, vous venez d'y répondre, voilà. Donc de plus, on va reprendre, comme nous le disions un petit peu plus tôt, le Siestar n'est pas seulement une application mobile, c'est aussi un site internet en cours de développement. Alors le site est sorti en décembre. Je pense que oui, il va évoluer au fil de l'année qui arrive. Là, il y aura pas mal de nouveautés. Oui. Parce que justement, en préparant cette émission, je suis allé faire un petit tour sur ce site internet et je trouve qu'il est très bien fait, très lisible, puis comme ça, il est aussi, qu'on appelle ça dans le monde du graphisme, responsive, il me semble. Exactement. Oui. Pour que chaque, même pour que les, je vais y arriver, 1, 2, 3, que même pour même. J'ai du mal. C'est pas grave, Chris. Que même pour les personnes qui n'ont pas de téléphone adéquat puissent y accéder, ils vont sur l'ordinateur et directement ils tombent sur le site. Tout à fait, tout à fait. Le site a été développé en mode responsive, donc adaptable sur ordinateur, tablette et mobile. J'ai été épaulé donc par Lamster pour tout ce qui est codage et développement. Le graphisme a été réalisé par moi et aussi ma sœur qui a travaillé dessus. Comme elle est graphiste dans une agence sur Madrid, elle m'a épaulé sur cette également. D'ailleurs, je la remercie encore une fois. Ces visuels sont top. Ouais, j'ai eu pas mal de bons retours sur le site. Assez, il est ergonomique, assez facile pour naviguer. Ouais, et l'eShop a été développé par un ancien collègue, Jérôme Bouvier, qui est sur Chambéry actuellement. Il m'a donné un très très bon coup de main. Il est webmaster forcément, donc ça aide. Super. Les photos également ont été réalisées par Michel Laurent, un photographe que vous connaissez, j'imagine. Oui, je l'ai reçu dans une émission. Ah super, donc je le connais et c'était un ami et on a décidé de faire le shooting dans son gîte. Donc comme vous l'avez vu, c'est des photos vraiment de pro, avec des bons produits et aussi des très beaux modèles. J'ai eu la chance d'avoir Maï et Quentin. Quentin, c'est un des responsables de Inbo et Maï travaille également là-bas. Ils ont accepté très gentiment de poser avec mes produits donc au gîte de la retourderie à Saulsur et ça a fait vraiment on a passé une très bonne journée et le rendu est vraiment top. D'accord. Justement, vous parlez de votre sœur, tout ça. Que pensent vos amis, votre famille de votre initiative de créer le Siestar? Alors, mon cercle proche, ils ont adhéré tout de suite. Mes parents, mon père est un peu... un peu réfractaire au début, mais maintenant je pense que voilà, il a vu un peu le potentiel de la solution et il a vu voilà que les gens s'y intéressaient de plus en plus, donc ils sont un peu plus rassurés maintenant. Mais c'est vrai qu'au début qu'on explique que on va quitter son travail et qu'on va développer une application pour faire la sieste, si c'est vraiment voilà exposé comme ça, ça peut être compliqué, mais voilà, il faut simplement expliquer bien les choses et pourquoi on le fait surtout, quelles sont nos motivations et voilà. Ouais. Oui, il faut savoir choisir les bons mots pour ne pas qu'on soit pris à la rigolade. Tout à fait, exactement. Et il y a pas mal de personnes au tout début, quand j'ai lancé donc l'entreprise, le Siestar, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire le Siestar? Mais ouais, ça veut dire pas mal de choses. Le bien-être, le confort. Si on peut apporter voilà du bien-être et du confort, toutes ces choses-là aux personnes qui travaillent en dehors de l'entreprise, on en sera très content. J'imagine, oui. Donc, il va être 14h54 déjà. Donc, nous arrivons bientôt à la fin de cette émission. Y a-t-il quelque chose que nous n'avons pas abordé, mais qui mériterait absolument de l'être concernant le CSTAR? Je vais revenir aussi sur la campagne Ulule. N'hésitez pas à participer. Vous verrez, il y a de très très belles contreparties. Donc, vous pouvez également les voir sur notre e-shop. Donc, il y aura des t-shirts forcément, des oreillers à sieste, il y a les plaids. Donc, n'hésitez pas à nous soutenir, à partager la bonne parole autour de vous. la suite du CSTAR, il y aura beaucoup d'évolutions, je pense, d'ici 6 mois. Donc, courant septembre, on sera à la recherche forcément de financement et d'investisseurs. Ça, c'est super important. Quand notre solution bêta sera sortie dans 2 mois, testée et approuvée, donc là, on ira voir donc les investisseurs, les business angels, les gens qui voudront mettre des sous, j'espère qu'ils seront nombreux. On espère aussi, surtout que pour faire un don sur la campagne Ulule, c'est tout simple, il suffit de se rendre sur le lien et il y aura un petit bouton faire un don et puis voilà. Exactement, en fait c'est tout simple, vous pouvez retrouver donc le lien sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram, le CSTAR, ou directement sur lecstar.com. Vous verrez, il y aura un petit push, une petite fenêtre qui arrive directement, vous cliquez dessus, ça vous redirige directement sur notre page Ulule et vous pouvez choisir votre contrepartie, il y en a pour tout le monde. Donc on peut donner de 1 à 800 euros, donc il y en a vraiment pour toutes les bourses, il n'y a pas de souci, il y a des belles contreparties, ce n'est pas uniquement du don, on va dire, pur, donc c'est vraiment des dons avec contrepartie. Comme je disais tout à l'heure, je mettrai tous les liens en podcast de l'émission. Ouais, super, merci Chris. Afin de qu'on puisse retrouver donc la campagne Ulule, votre Facebook, votre Instagram. Nickel. Et tout ça. Et puis le site du CSTAR aussi. Forcément. Donc du coup, est-ce que vous avez un dernier mot avant de conclure? Ah, je voulais faire une petite dédicace au Macaroni, en fait. C'est un groupe d'amis que j'ai assez proche. Donc voilà, un petit mot. Et à tous ceux qui me suivent, merci à tous et à la famille. Bah voilà, donc bonjour à tous, bonjour les macaronis. Et voilà. Donc c'est ainsi que se termine cette édition de Fréquence Libre. Je remercie une nouvelle fois Olivier Géin d'avoir accepté mon invitation. Cette émission sera rediffusée demain jeudi à 18h avec le podcast de cette émission posté demain sur notre page Facebook dans la journée avec bien sûr tous les liens. Et bien sûr, comme d'habitude, vous pouvez réagir à cette émission sur notre page Facebook Radio Guémozo ou en nous appelant au 03 29 62 40 40. Si vous voulez passer un petit message à Olivier, soit sur votre page Facebook ou vous nous appelez, on passera le message. Donc quant à nous, nous nous retrouvons lundi à 14h, toujours en direct pour une nouvelle édition de Fréquence Libre, dans laquelle je recevrai Delphine Aubry, qui nous parlera de ses créations en papier mâché et de ses illustrations. Et toujours bien sûr lundi à 8h et 13h30 pour votre chronique hebdomadaire La Cristoire des auteurs, dans laquelle nous continuerons notre voyage dans la vie et dans l'œuvre de la créatrice des personnages de Harry Potter, Hermione Granger et Ron Weasley, J.K. Rowling. En attendant, je vous laisse en musique après le générique avec Muddy Waters et son titre You're Gonna Miss Me When I'm Dead and Gone, avant la rediffusion à 18h de l'édition de Fréquence Libre d'hier, dans laquelle je recevais Mathieu du groupe Cheap House, qui était là par téléphone pour nous parler du tout premier EP éponyme de Cheap House. Donc voilà, donc merci encore Olivier. Merci Chris pour votre invitation, j'ai été ravi d'être avec vous aujourd'hui. Pareillement, et merci bien sûr à vous de votre fidélité à Radio Guémozo, et je vous dis à lundi. Donc salut et à lundi.